إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب concernant la semaine dernière, on avait parlé on avait continué sur le chapitre des comportements que doit avoir la personne qui jeûne, le comportement que doit adopter le jeûneur. On avait commencé par le fait de s'abstenir de dire des mauvaises paroles et de s'abstenir également de faire tout acte qui irait ou qui sont contraires et contradictoires avec l'état de jeûne. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man lam yada' qawl az-zur » celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il délaisse ou qu'ils s'abstiennent de boire et de manger. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ce hadith? Premièrement, az-zur, qu'est-ce que c'est az-zur? Qu'est-ce que c'est az-zur? Tout ce qui est mauvaise parole. Et on avait donné la définition, c'est tout ce qui dévie de la vérité. Donc toutes les paroles qui dévient de la vérité sont considérées comme étant des paroles de zur. Et le prophète Hassan m'a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles, c'est-à-dire les mauvaises paroles, celles qui dévient de la vérité, et qui ne délaisse pas le fait de les mettre en pratique. Et on avait parlé, on avait donné des exemples, comment mettre en pratique. Comme celui qui, par exemple, qui pèse, par exemple, des tomates pour une personne. Non. Je t'ai dit, il demande de lui poser 2 kilos, lui, il ne fait qu'un kilo, et il dit que je t'ai posé qu'un kilo. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on avait donné l'exemple de celui qui trichait dans la pesée des aliments, qu'il dit par exemple qu'une quantité pèse 2 kilos au lieu de 1 kilo et lui facture 2 kilos. Donc là il a menti, et le fait de mentir c'est une parole qui sort de la vérité, donc il est considéré comme étant az-zur, et le fait d'avoir facturé ce surplus, c'est considéré comme al-amal bihad az-zur, c'est considéré comme ayant mis en pratique cette parole mauvaise ou ce mensonge. Et le professeur Hassan m'a dit fallait salillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cet homme, que ce musulman s'abstienne de boire et de manger. Et on avait expliqué la parole du professeur Hassan lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on avait dit? Al-haja huna al-irada, que le besoin ici dans le hadith, cela signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ce musulman, non. Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de lui, n'aime pas cela de lui, et ne veut pas, lorsqu'il fait ces mauvaises choses, qu'il délaisse de boire et de manger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Ensuite, parmi les autres comportements, c'était la générosité et l'apprentissage du Coran. On avait cité le hadith à ce sujet, où Jibril alayhi salam venait rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan chaque jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran sur Jibril alayhi salam, et les compagnons radiallahu anhum ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jibril venait lui rendre visite comme étant encore plus généreux que d'habitude. Et un compagnon l'a même comparé à un vent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent, et un vent doux y apporte le bien de façon continuelle et de façon élargie également. Ensuite, parmi les autres comportements, on avait parlé de le fait de s'empresser de rompre le jeûne. De s'empresser de rompre le jeûne. Et on avait cité un hadith du professeur Hassan à ce sujet qui est... La communauté ne se traînait pas bien parce qu'elle ne s'empresse pas de rompre le jeûne. Non, que le professeur Hassan a dit, ma communauté ou a dit les gens? Non, que les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Et on avait expliqué que les gens dans ce hadith, comme tu l'as dit, ce sont les musulmans jeûneurs. Ahsante. Et qu'est-ce que signifie s'empresser de rompre le jeûne? Ça signifie quoi? Je veux m'empresser de rompre le jeûne. Qu'est-ce que je dois faire? Dès que le soleil se couche, on rompt le jeûne. Qu'est-ce que ça, Annie, à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de rompre le jeûne? Lorsque, on avait dit, il y avait combien de cas déjà? Dans combien de cas on a le droit de rompre le jeûne? Dans deux cas. Dans deux cas. Le premier, tu l'as dit, c'est lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Donc lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon, même s'il y a de la lumière au-dessus, à partir du moment où le disque solaire disparaît de l'horizon, le soleil est considéré comme étant couché, donc tu as le droit de rompre ton jeûne. Et le deuxième cas dans lequel tu as le droit de rompre ton jeûne, c'est quand tu es presque sûr ou que tu as une forte suspicion que le soleil s'est couché. Et on avait cité la preuve de cela qui est... Sahaba, ils ont mangé. Le ciel était couvert. C'est le hadith de... Asma. C'est le hadith de Asma bint Abi Bakr qui dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel était couvert, ils ont rompu le jeûne, puis lorsque le ciel s'est découvert, qu'est-ce qui est apparu? Le soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Et ils ont considéré ce jour comme étant valide. Et où est la preuve dans ce hadith qu'il est autorisé pour celui qui a la forte suspicion de rompre le jeûne, celui qui soupçonne fortement que le soleil se soit couché? Elle est où la preuve dans ce hadith? Le silence du prophète, ça va. Non. S'ils étaient vraiment sûrs, le soleil ne serait pas là. Ahsante. S'ils avaient rompu leur jeûne avec certitude, s'ils étaient sûrs, dans ce cas, le soleil ne serait pas réapparu. D'accord? Il ne serait pas réapparu. À partir du moment où ils ont vu le ciel couvert, ils ont recherché, ils ont fait des efforts pour savoir si le soleil s'était réellement couché ou non, et ils ont déduit, selon leur avis, selon leur forte suspicion, que le soleil s'était bel et bien couché. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés, et cela n'a pas pour autant annulé leur jeûne. Ensuite, on avait dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de rompre le jeûne. De quelle façon? Quel est l'ordre dans lequel la personne doit rompre le jeûne? Si qui répond, les femmes, inshallah. Non. Plus personne lève là? Non. Très bien. Des dates mûres et fraîches. Premièrement, par des dates mûres et fraîches, s'il n'y en a pas? Des dates normales. Et s'il n'y en a pas? Par des gorgées d'eau. Combien? Trois gorgées d'eau. Les savants ont dit, la sunna du professeur Asselem, c'est de boire trois gorgées d'eau. Ensuite, on avait parlé de l'invocation à dire lors de la rupture du jeûne, qui est ذهب الضماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الضماء, ça veut dire quoi? ذهب الضماء, ça veut dire quoi? ذهب الضماء, يعني celui qui répond, il est sain, inshallah. نعم. La soif s'est en allée, est partie. Ou abtallat al uruq. Ou abtallat al uruq. Les veines se sont dilatées ou elles se sont humidifiées et elles se sont remplies. Pourquoi? Car la personne qui a faim et qui a soif, ses veines ont tendance à s'assécher. Ou thabat al ajru, inshaAllah. Ça veut dire? La récompense sera présente par la volonté d'Allah ou par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui est autorisé à faire pour le jeûneur. Quelle est la première chose qu'on avait citée? Qu'est-ce qu'il est autorisé à faire pour le jeûneur, le premier point? Naam. Ahsan, c'est de prendre un bain, de se rafraîchir, de se laver pour cause de rafraîchissement. Lorsqu'il y a un temps de forte chaleur, il t'est autorisé de te laver avec de l'eau froide, de mouiller ta tête et aussi de verser de l'eau fraîche sur ta tête, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Ensuite, la deuxième chose qu'il est autorisé à faire, al-madmadatu wal-istinshaq, de se rincer la bouche, et al-istinshaq qui signifie d'inspirer de l'eau par les narines. On avait dit que al-madmada, il y avait trois cas dans lesquels il y en a trois cas concernant le fait de se rincer la bouche. Quels sont ces trois cas? Il y en a un qui est obligatoire. Il y a un cas où c'est obligatoire. Il y en a un qui est mustahab, du moins autorisé. Il y a un deuxième cas où de se rincer la bouche est autorisé. Et il y en a un qui s'est déconseillé, voire interdit. Et il y a un troisième cas où de se rincer la bouche, on parle toujours en état de jeûne, où de se rincer la bouche est déconseillé, voire interdit. Le premier cas dans lequel de se rincer la bouche est une obligation, c'est pendant. Il y a combien qui répondent là? Là, un truc dans le bachir. Le ghusl, pendant le grand lavage, car on a dit que pendant le grand lavage, il faut que l'eau atteigne toutes les parties du corps, et compris dans cela, la bouche et les narines. Et le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est obligatoire, c'est à l'urdo, les ablutions. Le deuxième cas dans lequel c'est autorisé. Le deuxième cas dans lequel de se rincer la bouche est autorisé. Non? Pour se rafraîchir en temps de grande chaleur, on a dit que c'était al-ghusl et de se laver et de verser de l'eau sur sa tête. Mais concernant de se laver la bouche, de se rincer la bouche, les savants avaient dit, lorsque la bouche est desséchée, et lorsque la personne n'a plus de salive, qu'il est autorisé de se rincer la bouche, à condition bien sûr de recracher toute l'eau. Et le troisième cas dans lequel de se rincer la bouche en état de jeûne est déconseillé, voire interdit, c'est la personne qui le fait sans raison apparente. Sans raison apparente ou pour s'amuser, pour se moquer du jeûne et des jeûneurs. طيب. Ensuite, troisièmement, on avait dit al-hijama. Al-hijama qui est en français la saignée. Donc la saignée, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Est-ce qu'elle est autorisée? Est-ce qu'elle n'est pas autorisée? Elle est? Non. Elle est autorisée? Quelle est la preuve? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est où? Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Yahtajama. Yahtajama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sa'im. Et la preuve que cela est autorisé, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une saignée alors qu'il était en état de jeûne. Et les savants ont dit que cela est déconseillé dans quelles conditions? L'avis de l'auteur, c'est que al-hijam, la saignée, est autorisée pour le jeûneur, mais il y a un cas dans lequel la saignée est déconseillée, qui est si le fait de faire la saignée affaiblit la personne. Si la personne sait que la saignée va l'affaiblir, alors dans ce cas, de faire la saignée est déconseillé. Comme cela a été rapporté selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Et les autres savants, car on avait dit qu'il y avait une divergence sur la saignée, certains savants disent que c'est autorisé, d'autres disent que la saignée n'est pas autorisée et même qu'elle annule le jeûne. Quelle est leur preuve? Parce que avant, quand il faisait les hijamas, il aspirait avec la bouche, il aspirait le mauvais sang, il le recrachait. Non, quelle est leur preuve? Quand on parle de preuve, c'est quel est le hadith sur lequel ils se basent pour. Ceux qui autorisent, ils se basent sur ce hadith-là. Et ceux qui n'autorisent pas? Et ceux qui n'autorisent pas, ils disent que ce hadith, il a été annulé. Ils disent que? Ce hadith, il a été annulé. Quel hadith? Celui-là de Al-Kabuhari. Non, ils n'ont pas dit qu'il était annulé. Non. que de nos jours, les appareils spécifiques pour. Non, quel est le hadith que les savants utilisent, ceux qui considèrent Al-Hijja comme étant interdite en état de jeûne? La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Aftar al-Hajim wal Mahjum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un compagnon qui se faisait faire une saignée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aftar al-Hajim wal Mahjum, que celui qui fait la saignée et celui à qui on l'a fait ont rompu leur jeûne en faisant cet acte qui est la saignée. Et comment est-ce qu'ils répondent au premier hadith? Le hadith qui dit احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Comment ils répondent? Personne sait? Non? Il est abrogé. Qu'il est? Il était abrogé. Non, ils disent pas qu'il était abrogé. Non? Le hadith n'est pas authentique. Que le hadith n'est pas authentique sous ces termes. Car ils disent ce qui est connu, ce qui est connu des savants, dans le, des savants du hadith, de ce hadith, c'est ihtajama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muhrim. Et bilafd wa huwa sa'im, ce n'est pas connu dans le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'avis de ceux qui disent que ce hadith, yani, dans ces termes, wa huwa sa'im, n'est pas authentique, et ce qui est authentique, c'est wa huwa muhrim. Tu ne l'avais pas dit d'ailleurs. Tu ne l'avais pas dit ça? Non. Et quelle est leur autre preuve? J'ai bien dit des preuves la semaine dernière. Non? On ne sait pas lequel est le numéro premier, c'est ça? On ne sait pas le? Lequel de Khalid est le numéro premier par rapport à. Non, yani, ceux qui disent qu'il abroge, ce sont les savants qui disent que c'est autorisé. Les savants qui disent que c'est autorisé disent qu'il y a un hadith du Prophète qui abroge le premier que j'ai dit, que celui qui fait la saignée, celui à qui on l'a fait faire, est abrogé. Il est abrogé par quel hadith? أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم car il y a le hadith, un autre hadith du prophète صلى الله عليه وسلم authentique où le compagnon prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a autorisé la saignée pour le jeûneur. Et ils ont déduit que ce hadith abrogé l'autre. Comment est-ce qu'ils l'ont déduit? Non? Voilà. Qu'on autorise une chose qui était interdite. Si le professeur Asselam a autorisé, c'est qu'à la base, c'était interdit. Donc, ils ont déduit que ce hadith-là abroge l'autre. Mais quant aux savants qui disent que Al-Hijama annule le jeûne et qu'elle est interdite en état de jeûne, ils utilisent le hadith Aftar al-Hajim ou al-Mahjoum et ils disent aussi que cela est plus raisonnable que qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour le musulman et qu'il considère celui qui a fait la saignée comme ayant annulé son jeûne, car c'est un bien pour lui. Car de faire une saignée affaiblit la personne. Car de faire la saignée affaiblit la personne et son jeûne est automatiquement annulé. Et ils ont dit, et cela est comparable à celui qui dort. Celui qui dort, automatiquement, ces ablutions sont annulées. D'accord? Ils ont fait une analogie avec cela. C'est clair ou pas? Taïb. Ensuite, on avait parlé aussi qu'il était autorisé d'embrasser son épouse en état de jeûne. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, le hadith de Aïcha radhiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait et voire plus alors qu'il était en état de jeûne. Et Aïcha radhiallahu anha dit wa kana amlakakum li'irbi, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'entre vous celui qui sait le mieux se retenir. Ensuite, cinquièmement, on avait dit qu'il était autorisé à la personne d'être en état de grande impureté même après al-fajr, même après la dame du fajr, et que le fait qu'un jeûneur soit en état de grande impureté après l'apparition de l'aube, cela annule ou n'annule pas son jeûne. Cela n'annule pas son jeûne. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure de l'apparition de l'aube, arrivait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore en état de grande impureté, il n'avait pas encore fait son ghusl, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha et Umm Salama radhiyallahu anhum. Ensuite, sixièmement, on avait parlé de al-wisal. Qu'est-ce que le wisal? Qu'est-ce que le wisal? Les parents qui sont jeunes à l'heure du maghrib, et le faire continuer plusieurs jours d'affilée. Ça, c'est le prophète assassin qui les faisait. Et alors, on parlait... Non, mais quelle est la définition de l'wisal? C'est faire suivre deux choses. Et l'wisal, c'est faire suivre deux choses. Ça, c'est dans la langue arabe. Et quand on parle de wisal en termes de jeûne, ça signifie faire suivre deux jours de suite. De faire suivre deux jours, et de faire suivre deux jours de jeûne. De joindre deux jours en les jeûnant. D'accord? Cela est interdit. Cela est interdit. Et certains savants disent que c'est déconseillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tawasilu, a dit ne faites pas al-wisal. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et si vous voulez le faire, alors qu'est-ce qu'il a dit? Faites-le jusqu'au suhur, jusqu'à l'heure du suhur. Autrement dit, si tu as mangé un matin, le matin d'un jour, tu as le droit de ne pas manger jusqu'au matin, jusqu'à l'heure du suhur du lendemain. Yani, tu as le droit de ne pas rompre ton jeûne, même si cela est déconseillé, mais c'est autorisé si tu en as envie. D'accord? Mais de manger à l'heure du suhur le premier jour, de ne pas rompre ton jeûne et de continuer de jeûner le deuxième jour, cela est interdit. Ensuite, septièmement, on avait dit qu'était autorisé l'utilisation du siwak, l'utilisation du parfum, l'utilisation du kohl, et c'est comment on appelle ça déjà? L'antimoine. Hein? L'antimoine. L'antimoine, ce qu'on met sur les yeux, ou le qatra, les gouttes que l'on met sur les yeux et sur le nez. Et les gouttes qu'on met dans le nez? Ça casse le jeûne? Si ça part à l'estomac. Ça part pas forcément à l'estomac. Mais des gouttes qui rentreraient par les narines et qui atteindraient l'estomac, cela annule le jeûne. Mais là, le... Non? Non, concernant l'encens, ni le fait d'aspirer de la fumée. Les savants disent que cela est déconseillé. Parce que tout dépend de l'encens et tout dépend de sa puissance. Certains sont très condensés et les savants disent que quand tu l'inspires, il y a carrément de la matière qui s'accumule. Ça devient de la matière. C'est plus de l'air, ça devient de la matière. Et là, dans ce cas, cela annulerait le jeûne. Certains savants le déconseillent pour ça. Non. Comment? Al-Bakhour. À la coulée, si la fumée elle est épaisse, les savants le déconseillent justement pour cela, car c'est de la fumée qui rentre, mais cette fumée elle se transforme en matière. C'est pareil pour la cigarette. La cigarette, c'est prouvé scientifiquement qu'une personne qui fume, il n'y a pas que de l'air qui rentre, il y a aussi de la matière qui rentre dans son corps. Et les savants utilisent aussi cela pour dire que la cigarette est interdite en état de jeûne. Et Al-Huqna, qui est le suppositoire, qu'est-ce qu'on a dit sur le suppositoire? Que c'était autorisé tant qu'il n'était pas nourrissant. Vous suivez ou pas? Pour une femme qui cuisine, est-ce qu'elle a le droit de goûter sa nourriture? Elle a le droit de goûter. Et nous, on n'a pas cité ça? Si la femme a le droit de goûter quand cela est nécessaire. Elle a le droit de goûter quand cela est nécessaire. Donc là, l'auteur parle du chapitre du jeûne qui n'est pas obligatoire, du jeûne surérogatoire. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé sa communauté et l'a encouragé à jeûner ces jours que l'on va citer. أولا ستة من شوال. Premièrement, les six jours de شوال. شوال qui est le mois qui suit Ramadan. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. La preuve, c'est le hadith de Abu Ayyub al-Ansari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois du Ramadan, puis le fait suivre par six jours de Shawwal, il sera considéré comme ayant jeûné l'année, toute l'année. Hadith authentique rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on déduit beaucoup de choses, plusieurs choses. La première, c'est que il faut suivre les six jours de Shawwal après avoir jeûné le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est autorisé à une personne qui, par exemple, a été en voyage pendant trois jours durant le Ramadan et a mangé ces trois jours? Ces trois jours, il doit les rattraper. Il ne peut les rattraper ou il pourra les rattraper à partir du premier de Shawwal. Le premier de Shawwal, qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce qu'elle commence par rattraper ces trois jours de jeûne du Ramadan non jeûné, ou bien alors est-ce qu'il lui est autorisé de commencer les six jours de Shawwal? Il doit rattraper. Pourquoi? Parce que ce hadith s'applique à celui qui a fait le mois entier. Naam, Hassan. Car le professeur Hassan a dit Man sama Ramadana, thumma. Le professeur Hassan a dit celui qui jeûne le Ramadan, le mois du Ramadan, c'est-à-dire dans sa totalité, puis il le fait suivre de six jours de Shawwal, alors ces six jours seront considérés, alors il sera considéré comme ayant jeûné une année, l'année tout entière. D'accord? Donc les savants ont déduit que celui qui a des jours à rattraper du Ramadan, il doit tout d'abord commencer par rattraper ses jours obligatoires, puis les faire suivre par les six jours de Shawwal. Tu as dit qu'il a voyagé pendant trois jours et il pourra le rattraper dès le premier jour de Shawwal. À partir du premier jour de Shawwal. Le premier, c'est l'aïe. À partir du deuxième jour de Shawwal. Barakallahu fik. Car le premier jour de Shawwal, c'est l'aïd. Et l'aïd fait partie, le jour de fête, fait partie des jours qui sont interdits, où il est interdit de jeûner. Donc à la fin, je me suis trompé, c'est à partir du deuxième jour de Shawwal. Ensuite, on en déduit aussi qu'il est autorisé de jeûner ces six jours, qu'ils soient consécutifs ou non consécutifs. Car le professeur Hassan a dit « ثم أتبعه ستان من شوال » puis les fait suivre par six jours de Shawwal. Et le professeur Hassan n'a pas donné de précision si cela devait être consécutif ou non consécutif. D'accord ? Donc, les savants ont déduit que la personne avait le choix. Et on en déduit aussi de ce hadith que de jeûner ces six jours dans un autre mois que Shawwal n'a pas la même récompense, que ces six jours sont propres au mois de Shawwal. Et ensuite, le professeur Hassan a dit, c'est comme s'il jeûnait toute l'année. Les savants ont dit, car celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois, car une bonne action est multipliée par 10. Donc si tu as jeûné 30 jours, tu auras la récompense du jeûne de 300 jours. Et les 6 jours de Shawwal, eux, sont considérés comme 2 mois. 60 jours qui sont 2 mois. Donc 10 mois plus 2, ça fait 12. Donc les savants ont expliqué ainsi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit aussi que lorsque l'on parle d'une récompense, lorsque l'on dit qu'un acte, lorsque tu fais un acte, tu seras récompensé par telle récompense, cela ne veut pas dire que la récompense yani que le fait que tu aies cette récompense, ça ne veut pas dire que cette récompense, elle est considérée comme étant un acte que tu aurais fait. Comme par exemple, les savants ont donné l'exemple du hadith du professeur sallam, que « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » que la sourate Al-Ikhlas ta'dilu thuluth Al-Qur'an, que de lire sourate Al-Ikhlas, celui qui la lit aura la récompense d'avoir lu combien? Le tiers du Coran. Celui qui lit trois fois sourate Al-Ikhlas, il a la récompense d'avoir lu tout le Coran. D'accord? Donc celui qui a lu trois fois sourate Al-Ikhlas, il aura la récompense de celui qui a lu le Coran entier. D'accord? Celui qui veut prier maintenant, il dit Allahu Akbar. Et il ne lit pas le Fatiha. Il lit seulement trois fois Qul Allahu Ahad. Il dit Qul Allahu Ahad trois fois. C'est comme s'il avait lu tout le Coran. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et celui qui a lu tout le Coran, dans le Coran, il y a bien sûr Al-Fatiha. Donc, c'est comme s'il avait lu aussi Surat Al-Fatiha. Mais une personne qui lit trois fois Qulallahu Ahad et fait sa première raka'at, et qu'est-ce qu'on dit sur sa raka'at? Elle est bâtila. Elle est nulle. Pourquoi? Car tu n'as pas lu Al-Fatiha. Même si, dans ta récompense que tu as, entre dedans Al-Fatiha, mais cette récompense ne t'exempte pas de faire l'acte. Par exemple, celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Celui qui dit cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسْ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit cette invocation, c'est comme s'il avait affranchi quatre âmes, quatre personnes parmi les fils d'Ismaïl. Celui qui a fait, qui a juré quatre fois et n'a pas respecté son juron, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas nourrir, combien? Il y en a combien pour celui qui a fait un juron? 10. Combien? 10. Et s'il ne peut pas, de jeûner 3 jours. D'accord? Donc celui qui a fait 4 jurons et qui ne les a pas respectés, il doit affranchir combien d'esclaves? D'accord? S'il dit, je dis La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit ça, c'est comme s'il avait affranchi 4 esclaves. Donc moi c'est bon, j'ai affranchi mes 4 esclaves. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non. Cela n'est pas vrai, car une récompense ne compense pas un acte que tu dois faire. D'accord? C'est clair ou pas? Ça y est. L'exemple aussi de faire Ramadan. Non, après les exemples. À partir du moment où tu as une récompense, elle ne t'exempte pas de faire l'acte. Non. Un peu. On avait parlé de ça, de rassembler deux intentions. Celui qui doit rattraper un jeûne du Ramadan, un jour du Ramadan, on a dit que le rattraper c'est obligatoire. Il peut faire d'une pierre deux coups, de rattraper son jeûne obligatoire et d'avoir l'intention aussi que ce soit le jour de Shawwal. Mais du jour de Shawwal, il n'aura que la récompense de l'intention, pas la récompense de l'acte. D'accord? Il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte. Admettons, tu n'as pas fait 3 jours pendant Ramadan parce que tu étais en voyage et tu veux faire cette même show. Tu fais quoi? Tu fais 9 jours, tu fais que 6 jours, il y en a 3 qui font partie de cette même show. J'ai pas entendu. Admettons, tu pars 3 jours en voyage. Tu pars 3 jours en voyage. Ouais. Tu as l'intention de faire CTM Shawwal. Tu as l'intention de faire 6 jours de Shawwal. Est-ce que tu fais 9 jours ou tu fais que 6 jours? Le mieux, c'est de faire 9 jours. Le mieux, c'est de faire tes 3 jours, de rattraper tes 3 jours, d'accord? C'est obligatoire, puis de faire tes 6 jours. Comme ça, tu auras toute la récompense. Tu auras à la fois la récompense de l'acte et la récompense de l'intention. D'accord? Mais tu as aussi le droit de faire 3, d'en faire 6. De faire 3 jours que tu rattrapes, avec l'intention des 3 premiers jours de Shawwal, mais de ces 3 jours de Shawwal, tu n'auras que la récompense, tu n'auras que Ajr al-Niyya, tu n'auras que la récompense de l'intention, et les trois derniers jours, qui seront pour toi les 3 derniers des 6 de Shawwal, tu auras la récompense de l'acte et de l'intention. Après, c'est toi si t'es gourmand ou pas, mais vous m'êtes gourmand. طيب ثانيا وثالثا يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء ويوم قبله. Donc le deuxième et troisième jour qui nous est conseillé et recommandé de jeûner sont le jour de Arafah pour celui qui n'est pas au pèlerinage et le jour de Ashura ainsi qu'un jour avant. Selon An Abi Qatada qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawm yawm Arafah. فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية حديث صحيح رواه مسلم. Selon Abu Qatada, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour de Arafah. Il a répondu qu'il expiait les péchés de l'année précédente et de l'année future. Et il a été questionné sur le jeûne du jour de Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Yukaffiru sanat al-madiyah » Il pardonne ou il expie les péchés d'une année antérieure. D'une année antérieure, hadith authentique rapporté par Muslim. Donc de jeûner à Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés que tu auras fait l'année d'avant et l'année qui suit. Et concernant celui qui jeûne le jour de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cela était une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés d'une année passée. Et toujours selon la règle que les savants ont dit, que ce jeûne pardonne les péchés, les petits et non les grands. Car les grands, il faut at-tawbah. Wa an Umm al-Fadl bint al-Harith anna nasan تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه حديث متفق عليه. Et selon Umm al-Fadl bint al-Harith, elle dit que des gens se sont divergés chez elle. Yani des gens sont venus la voir et n'étaient pas d'accord sur un point. Tamaraw indaha yawm Arafah. Et ceci, c'était le jour de Arafah. Et le sujet de leur désaccord était, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait ce jour ou ne jeûnait pas? Certains ont dit, oui, il jeûne. D'autres ont dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûne pas ce jour. Et Umm al-Fadl bint al-Harith a envoyé un récipient contenant du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur sa monture, sur sa chamelle à Arafah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce récipient et a bu de ce récipient. Donc on en déduit de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Arafah, c'est-à-dire en état de, pendant le pèlerinage, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné le jour de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait combien de pèlerinages dans sa vie? Un seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage dans sa vie. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Abi Ghatafan bin Tarif al-Murri qala sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm Ashura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-Yahud wa an-Nasara. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مسلم وابو داود. Donc le premier hadith que l'on a cité, qu'est-ce qu'il nous prouve? Il nous prouve les mérites de jeûner le jour de Arafah et le jour de Ashura. Le deuxième hadith, qu'est-ce qu'il nous prouve? Que de jeûner Arafah est propre, ou c'est un jugement qui est spécifique à ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et le troisième hadith de Abi Ghatafan ibn Tarif al-Murri qui dit, j'ai entendu Ibn Abbas, qu'Allah l'agréé, dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et a ordonné qu'on le jeûne, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, c'est un jour que glorifie ou que tu as glorifie par un grand jour. c'est un jour de grande importance chez les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si je suis encore vivant, si Allah me le permet, l'année prochaine, je jeûnerai ou nous jeûnerons également le 9e jour. Et Abdullah ibn Abbas a dit, l'année suivante est arrivée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avant que l'année suivante ne vienne. Et Yawm Ashura, qu'est-ce que Yawm Ashura? C'est le 10e jour de Muharram. Pourquoi est-ce qu'il appelait Ashura? Parce que c'est Al-Yom Al-Ashir, tout simplement. Car c'est Al-Yom Al-Ashir min Muharram, car c'est le 10e jour de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait, l'année suivante, il jeûnerait également le 9e jour. Autrement dit, un jour avant. Un jour avant. Donc les savants ont déduit que celui qui veut jeûner Yawm Ashura, que le mieux était de le précéder du jeûne d'un jour, du jeûne du 9e jour de Muharram. Donc de jeûner le 9e jour de Muharram et le 10e jour qui est Yawm Ashura. Hadith authentique apporté par Abu Daoud et Muslim. Rabi'an, siyam akthar al-Muharram. Quatrièmement, les jours aussi qui nous sont conseillés à jeûner, c'est le mois de Muharram, de jeûner le plus de jours possible du mois de Muharram. An Abi Huraira taqala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu as-siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram wa afdalu as-salati ba'da al-fariidah salatu al-layl. Hadith sahih rawahu Muslim, Abu Daoud wa Nasa'i. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes après celui du mois du Ramadan, c'est celui du mois d'Allah al-Muharram, le mois sacré al-Muharram, wa afdalu as-salah, et la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est la prière de nuit, la prière nocturne. Et la prière nocturne, pourquoi est-ce que c'est la meilleure après la prière obligatoire? Non? Parce que c'est le moment où Allah Alam, tu te retrouves tout seul entre toi et Allah. Il y a ça. Parce que c'est une prière où il n'y a pas d'ostentation. Et c'est une prière que tu fais chez toi, tout seul. Et en général, si tu l'as fait, tu l'as fait seul et tout le monde dort. Donc, personne ne te voit, il n'y a rien qui puisse te motiver en termes d'ostentation, d'accord. Et aussi le fait de la faire pendant ce moment que les gens aiment, le moment de dormir, car les gens aiment dormir, c'est un plaisir de dormir, et de casser ce plaisir et de se lever pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, cela prouve son grand mérite. Tayyib, khamisan siyamu akthar sha'ban, cinquièmement, de jeûner le plus possible du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban qui est le mois actuel, qui précède le Ramadan, le mois actuel. An Aisha qalat ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyam shahr qat illa shahr Ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahr akthar minhu siyaman fi Sha'ban. Hadith muttafaq alayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminer le jeûne d'un mois entier sauf le mois du Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner le plus de jours dans un mois que le mois de Sha'ban. Hadithun authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété le jeûne d'un mois entier si ce n'est le mois du Ramadan. Donc celui qui veut jeûner Muharram, on a dit que de jeûner le plus possible, mais de ne pas le jeûner entièrement. De ne pas le jeûner entièrement. Pourquoi? Parce que c'est le seul mois que le prophète a jeûné entièrement, c'était le Ramadan. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné entièrement que le Ramadan. Mais il y a une autre subtilité. Il y a Eid al-Adha dans Qu'est-ce qu'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que c'est, quelle est la définition d'une sunna? C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Dans les actes, il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il y a des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est une sunna de le faire, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisse, c'est une sunna de le délaisser. Et les savants appellent cela sunna at-tarkiyah. Sunna at-tarkiyah. C'est une sunna de délaisser, de jeûner un mois entier, si ce n'est le mois du Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela. Vous avez saisi? طيب. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Et Aïcha radhi anha a dit que le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus jeûné, c'est le mois de Sha'ban. Et il y a un hadith de Usama ibn Zayd radhiyallahu anhu que l'auteur n'a pas cité, qui explique pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus de Sha'ban. C'est le hadith de Usama ibn Zayd qui dit: j'ai demandé, قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. Usama ibn Zayd, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit: j'ai dit au envoyé d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois plus que le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال ذلك شهر تغفل الناس فيه أو تغفل الناس فيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un mois dans lequel les gens sont distraits. Baina Rajab wa Ramadan. Que ce mois de Sha'ban vient entre Rajab et Ramadan. Donc c'est un mois que les gens négligent. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un mois dans lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et je veux et j'aime que mes actes soient élevés chez Allah et que ces actes soient des actes de jeûne. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et certains savants ont donné d'autres explications. On dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban pour s'entraîner au jeûne, et pour s'entraîner pour le jeûne du mois du Ramadan, comme le dit Cheikh Ibn Taymin rahimahullah ta'ala. Et il dit que le jeûne du mois de Sha'ban il peut être assimilé à Rawatib pour le Fara'id. On avait parlé de Rawatib. Chaque prière obligatoire a, ou les prières obligatoires ont leur Rawatib ou leur prière surrogatoire. Et on dit de même pour le Ramadan, il a son jeûne surrogatoire qui est Sha'ban. Et Rawatib, elles sont au nombre de combien? Vous avez oublié? 12, c'est lesquels? 4 avant Dhuhr, 2 après, 2 après, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, 2 avant Salat al-Subh. Ahsan, ça fait 12. Tayyib. Sadisan al-Ithnain wal-Khamis. Sixièmement, de jeûner le lundi et le jeudi. An Usama ibn Zayd qala inna Nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu yawm al-Ithnain wal-Khamis wa su'ila an dhalika faqala inna a'mal al-ibad tu'radu yawm al-Ithnain wal-Khamis. Hadith sahih rawahu Abu Dawud. Donc sixièmement, qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Selon Usama ibn Zayd, il dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi, et il a été questionné sur cela. Il a répondu: car les actes des serviteurs sont exposés le jour du lundi et le jour du jeudi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Et dans un autre hadith aussi de Abu Qatada que l'auteur n'a pas cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du lundi, Et le prophète sallam a dit ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَبُعِثْتُ. Le prophète sallam a dit car c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation m'a été parvenue. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité aussi, c'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, rapporté par Ibn Majah, qui a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu jeûnes le lundi et le jeudi. قال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du lundi et du jeudi. Il a répondu que ce sont deux jours dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux musulmans, sauf pour ceux qui ont coupé leurs liens. Elle n'est pas forcément les liens de parenté. Ceux qui ne se parlent plus, par exemple, et qui ne se parlent plus depuis de trois jours, Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'ange qui s'occupe de pardonner aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Da'huma hatta yastaliha » Laisse-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc parmi les conséquences de ne pas parler à son frère pour une raison qui n'est pas valable, bien sûr, car il y a des raisons en islam qui t'autorisent de ne pas adresser la parole à quelqu'un, mais ce sont des cas qui sont très précis, très, très précis et qui sont très rares, d'accord ? Et la plupart des cas que l'on voit lorsque les frères ou les sœurs ne se parlent pas entre eux, ce n'est pas justifié. Et qu'ils sachent qu'à partir du moment où ce n'est pas justifié et que ça dépasse la durée des trois jours, parmi les méfaits de cela, c'est que le jour du lundi et du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour du lundi et du jeudi, Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet ange, laisse-les, ne leur pardonne pas à eux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. سابعا ثلاثة أيام من كل شهر. Septièmement, de jeûner trois jours de chaque mois. عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Amr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûne trois jours de chaque mois, car la bonne action est multipliée par 10. Cela est alors comparable au jeûne d'une année entière. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi une année entière? Car si tu jeûnes trois jours de chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné 30 jours de chaque mois. Donc chaque mois. ويستحب أن تكون أيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. Et il est préférable que ces trois jours que tu jeûnes de chaque mois soient le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaires et non des mois solaires. Et ces jours sont appelés Ayam al-Bid, sont appelés en arabe les jours blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les jours blancs? Car la lune est pleine pendant ces trois jours. La preuve est le hadith d'Abu Dhar radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Abu Dhar, lorsque tu jeûnes dans chaque mois trois jours, alors jeûne le 13e jour, le 14e et le 15e. Alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e jour. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi al-Nasa'i. Saminan, siyam yawm wa fitr yawm. Huitièmement, de jeûner un jour et de rompre un jour. Et de ne pas manger un jour. An Abdillah ibn Amr, et de ne pas jeûner un jour. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث متفق عليه. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le plus aimé des jeûnes chez Allah, c'est le jeûne de Daoud عليه السلام. Il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour. il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, wa kana la yafirru min al-adu, que Daoud alayhi salam jeûnait un jour, ne jeûnait pas un jour et ne se sauvait pas de l'ennemi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il ne se sauvait pas de l'ennemi? Que cela ne l'affaiblissait pas. Car une personne qui est faible, elle a peur de son ennemi qui est fort. Mais Daoud alayhi salam jeûnait un jour et ne jeûnait pas un jour, et cela ne l'affaiblissait pas. Et lorsqu'il voyait un ennemi, cela ne le faisait pas fuir. D'accord? Il avait toute sa force qui lui permettait de faire face à cet ennemi. Et comme le dit le professeur sallam, hada ahabbu siyami ila Allah, que c'est le meilleur des jeûnes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le professeur sallam a parlé à un des compagnons, Abdullah ibn Amr al-As radiallahu anhu, qui avait dit à des compagnons, je ne dors pas la nuit et je ne mange pas la journée. Et l'information est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce vrai que tu ne manges pas et que tu ne dors pas? Il a dit oui, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nam wa sum, nam wa kul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dors et mange. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, je peux, j'en suis capable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas, mange un jour, jeûne un jour et mange deux. Jeûne un jour et mange les deux suivants. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, je peux faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, mange un jour et jeûne un jour. Et Abdullah ibn Amr al-As a dit, ô envoyé d'Allah, inni utiqu afdala min dhalik, je peux faire encore mieux que cela. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La afdala min dhalik, il n'y a pas mieux que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu une réponse claire, un point final. Il lui a dit, la afdala min dhalik, il n'y a pas meilleur que cela. Il n'y a pas meilleur que le jeûne de Daoud alayhi salam. طيب تاسعا عشر ذي الحجة. Neuvièmement, les dix de ذو الحجة. Ici, les savants utilisent beaucoup le terme عشر ذي الحجة. Les dix de ذو الحجة en matière de jeûne, mais les savants utilisent le terme عشر comme nous on utilise la dizaine. Une dizaine. Quand tu dis neuf, est-ce que ça rentre dans la dizaine ou pas? Ça rentre dans la dizaine. C'est approximatif, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est approximatif? Parce que le dixième jour de Dhul-Hijjah, c'est quoi? C'est l'Eid. Comment est-ce qu'on peut dire que de jeûner le jour de l'Eid, c'est préférable et recommandé? D'accord? Donc lorsque les savants disent Ashur Dhul-Hijjah, ils veulent dire par là les neuf premiers et non pas le dixième. عن هنيد ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. حديث كيف تفعل أبا؟ صحيح Il n'y en a pas qui ont Moutafakun alayhi. D'accord, non, parce que dans mon édition, c'est marqué Moutafakun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et j'ai cherché le hadith, je ne l'ai pas trouvé dans Al-Bukhari et Muslim. Et en fin de compte, c'est un copier-coller qu'ils ont fait entre le premier et le deuxième. Et pour ceux qui ont la tab'a de Dar ibn Rajab, l'édition de Dar ibn Rajab, la première, ils verront Moutafakun alayhi, et dans le premier, c'est une erreur, il faut le barrer. Donc le hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i uniquement, il n'est pas rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc selon Hunayd ibn Khalid, qui rapporte selon sa femme, selon certaines des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah, jeûnait le dixième jour de Muharram, c'est-à-dire Ashura, il jeûnait trois jours de chaque mois, il jeûnait le premier lundi du mois et le jeudi. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait bien les neuf premiers, d'accord. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les mérites de Dhul-Hijjah, des dix premiers jours, car il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent les mérites de jeûner les dix, qui nous montrent les mérites des dix premiers jours de Dhul-Hijjah, d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit jeûner, que l'on doit jeûner le dixième. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr. » Rawahu al-Bukhari. Dans un hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes, les jours dans lesquels les actes pieux sont les plus aimés chez Allah sont ces jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sont ces jours, c'est-à-dire les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Les dix premiers jours de Dhul-Hijjah font partie des meilleurs jours de l'année. Les dix premiers jours de Dhul-Hijjah font partie des dix meilleurs jours de l'année, car les actes pieux que tu fais durant ces jours-là sont les plus aimés et les plus appréciés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a été questionné: quels sont les meilleurs de ces jours? Est-ce que c'est les dix premiers de Dhul-Hijjah ou bien les dix derniers du Ramadan? Non, je connais l'histoire. Non, tu la connais, Tadal. Ibn Taymiyyah a dit les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est les meilleurs au niveau de la journée. Ahsante. Et Ramadan, c'est les dix derniers jours qui sont meilleurs au niveau de la nuit. Ahsante. Donc, la réponse de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les dix premiers jours de Dhul-Hijjah sont les meilleurs lorsque l'on parle de la journée. Et ni le jour. D'accord ? De ces dix premiers jours sont les meilleurs de toute l'année. Et quant aux dix derniers jours du Ramadan, ce sont les dix meilleures nuits. Ce sont les dix meilleures nuits de l'année. Car dans les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a Yawm al-Tarwiyah. Qu'est-ce que Yawm al-Tarwiyah ? C'est Yawm al-Tarwiyah. C'est quoi Yawm al-Tarwiyah ? C'est le huitième jour de Dhul-Hijjah. C'est le premier jour de Ayyam al-Hajj. C'est le jour où les gens se dirigent vers Mina. D'accord ? Il y a dans ces dix, il y a Yawm al-Eid. D'accord ? Et il y a tous les actes que l'on fait qui sont al-Tawaf, qui sont al-Sa'i, qui sont al-Dhabh, etc. D'accord ? Tous ces actes pieux qui montrent, et Arafa également, d'accord ? Dans ces dix premiers jours, y compris aussi Arafa. Donc tout cela nous prouve, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que ce sont les dix meilleurs jours de l'année. Et quant aux dix derniers jours du Ramadan, ce sont les dix meilleures nuits. Car dans ces nuits-là, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois, qui est la Laylat al-Qadr, qui est la nuit du destin, qui est meilleure que mille mois. C'est clair pour ça ? Taïb. الأيام المنهي عن صيامها. Donc là, l'auteur entre dans le chapitre des jours qui nous sont interdits de jeûner. أولا يوم العيدين. Premièrement, les deux jours de fête. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حديث متفق عليه. Donc selon Abu Ubaid Ibn Azhar, il dit: j'ai assisté à un jour de fête avec Omar ibn Khattab رضي الله عنه, et il a dit: ce sont deux jours, هذان يومان, ce sont deux jours dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner. يوم فطركم من صيامكم, le jour où vous rompez votre jeûne, c'est-à-dire عيد الفطر, واليوم الآخر, et l'autre jour où vous mangez de vos bêtes égorgées, que vous mangez de vos bêtes sacrifiées, qui est عيد Al-Adha. Saniyan, Ayyam al-Tashriq. Deuxièmement, les jours de al-Tashriq. Que sont les jours de al-Tashriq? C'est quoi les jours de al-Tashriq? C'est trois jours. Ahsan, ce sont les trois jours qui suivent le jour de Eid. Lequel Eid? Eid al-Adha. Eid al-Adha. Et est-ce que Eid al-Adha est compris dans ces trois? Non. Non, le Eid al-Adha n'est pas compris dans ces trois. Donc il y a le jour de l'Eid et il y a les trois jours de At-Tashriq. Et les savants ont dit qu'il est appelé At-Tashriq car c'était pendant ces jours-là que les gens à l'époque séchaient leur viande au soleil. Que les gens séchaient leur viande au soleil, car à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur ou d'endroit frais qui puisse préserver la viande. Donc comment conserver la viande à l'époque? En la séchant au soleil. C'était le moyen de conserver la viande à l'époque. Et lorsque les gens égorgeaient leurs bêtes et qu'ils avaient découpé la viande, ils mettaient la viande au soleil pendant ces jours, ces trois jours qui suivent l'Aïd, qui sont appelés Ayyam al-Tashriq. Et ces jours ont été cités dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et faites le rappel d'Allah pendant ces jours bien déterminés qui sont, les savants ont dit, qui sont Ayyam al-Tashriq. « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et celui qui part au bout de deux jours, il n'y a pas de mal pour lui, et celui qui part au bout de trois jours, il n'y a pas de mal pour lui. » Autrement dit, celui qui est au pèlerinage, et les jours dans lesquels il lui est obligatoire de rester à Minan, sont parmi les trois premiers jours de Tashriq, les deux premiers. Les deux premiers, il doit rester obligatoirement à Minan, et s'il veut rester le troisième jour, ce qui est le mieux pour lui, il peut rester le troisième jour, mais il a le droit de partir au bout de deux. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour celui qui est pieux, qui reste trois jours. عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمر بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق. حديث صحيح. إسلام أبي مرة qui était l'esclave de ou le serviteur de Muhani, il dit je suis rentré avec Abdullah ibn Amr chez son père Amr ibn al-As et Amr ibn al-As leur a tendu ou leur a présenté un repas. Faqala kul. Et Abdullah ibn Abdul As a dit à son fils mange. Il a dit inni sa'im, je jeûne. Faqala Amr kul. Et Amr ibn al-As a dit à son fils mange, car ce sont ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger, car ce sont dans ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger et nous a interdit de jeûner. Qala Malik, et l'imam Malik rahimahullah a expliqué en disant wa hiya ayyam al-tashriq, que ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de manger et a interdit de jeûner sont ayyam al-tashriq. Et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, un hadith rapporté par Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayyam al-tashriq ayyam aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les jours de tashriq sont des jours d'aliments, de nourriture, de boissons et de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De manger, ce sont des jours où l'on doit manger et boire, entre autres, manger de quelle viande? Non, de la viande, de la bête sacrifiée. Wa dhikrin lillah. Et de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les rappels qu'il y a à faire dans ces jours, il y a takbir. Que à takbir, on avait dit que c'était jusqu'à jusque l'heure de l'Asr du troisième jour de Ayyam al-Tashriq. Il commence quand? Yom Arafa après Salat Subh. Il commence à partir du 9e jour. وعن عائشة بن وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي حديث صحيح رواه البخاري. Et selon Aïcha radiallahu anha et Ibn Omar, qu'Allah les a agréés, ils ont dit qu'il n'a été autorisé de jeûner les jours de Tashriq qu'à celui qui n'a pas trouvé de bête à égorger, rapporté par Al-Bukhari. Dans l'interdiction de jeûner les trois jours de Ayyam al-Tashriq, qui je le répète sont les trois jours qui suivent le jour de Eid al-Adha, il y a une exception. Il est autorisé de jeûner ces trois jours pour celui qui n'a pas trouvé de bête. Car Allah a dit « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ » Car celui qui est en pèlerinage en état de tamattu', il doit obligatoirement égorger une bête, sacrifier une bête. S'il ne peut pas, alors Allah a dit « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ celui qui ne trouve pas ou qui n'en a pas les moyens, la possibilité, فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ il doit jeûner trois jours pendant le pèlerinage. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ et tu en jeûneras sept lors de ton retour, lorsque tu rentreras chez toi. Et de jeûner أَيَّامَ التَّشْرِيق font partie des jours du Hajj. D'accord. Donc comme on dit à Aïcha ibn Omar radiallahu anhuma, qu'il est autorisé à celui qui n'a pas égorgé sa bête ou qui n'a pas pu, qui est pèlerin, on ne parle pas de celui qui n'est pas pèlerin, ça c'est un jugement qui est propre et spécifique au pèlerin qui est mutamatti'a, qui a fait la Umrah et le Hajj. Donc lui, lorsqu'il n'a pas la possibilité d'égorger sa bête, il lui est autorisé de jeûner Ayyam et Tashriq, les trois jours de Tashriq au pèlerinage. ثالثا يوم الجمعة منفردا. Faut qu'il jeûne 3 jours pendant Ayyam al-Hajj. Obligatoirement. Il sera donc obligé de rester 3 jours. Non, Ayyam al-Hajj c'est pas uniquement Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq font partie des jours du Hajj. Mais les jours du Hajj ne sont pas. Le Hajj se finit à la fin de Dhul-Hijjah. À la fin du mois de Dhul-Hijjah. Oh, mais comment il va savoir qu'il va pas pouvoir. Bah, c'est à partir du moment où il va pas trouver la bête. Bah, soit il la trouve pas, ou soit il n'a pas les moyens. T'en as, ils vont au Hajj, ils ont seulement les moyens de se rendre là-bas et ils n'ont pas le moyen d'acheter une bête. Après le 8e jour, il peut jeûner. Comment ? Il a jusque Dhul-Hijjah pour jeûner. Même Yom Al-Aïd, il peut jeûner ? Non, pas Yom Al-Aïd. On parle de Ayyam Tashriq là. On a que Ayyam Tashriq. Ayyam Tashriq font partie des jours du jeûne. Il est autorisé pour celui qui n'a pas de bête, qui n'a pas trouvé de bête, de jeûner ces jours-là. Mais il n'est pas obligé de jeûner que ces jours-là. S'il veut, il peut jeûner les jours après. Il a jusqu'à la fin de Dhul-Hijjah pour le faire. Ah, ok. Ça hint ? Non ? Il n'a pas le droit de jeûner du jour avant. Non, pas le jour avant, parce que le Dhabh, il vient après. Il vient après Yom Al-Aïd. Non. Celui qui bah après Yom Al-Aïd, pendant un ou deux jours après. Tu as le droit de bah pendant l'Ayyam al-Tashriq. Tu as le droit de dégorger pendant le jour de l'Aïd et les trois jours de Tashriq. D'accord ? Mais pour rattraper le jeûne, tu as le droit de le faire jusqu'à Dhul-Hijjah. Car Allah Ta'ala a dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. D'accord ? Et le mois du Hajj se finit à la fin de Dhul-Hijjah. Troisièmement, il est interdit de jeûner le vendredi seul. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حديث متفق عليه. Selon أبو هريرة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Naam. Avec le jeûne de Daoud, il ne jeûne pas le jour avant, il ne jeûne pas le jour après. Les savants disent. Comment ça? Si par exemple, avec le jeûne de Daoud, il jeûne un jour et mange un jour, naam. Et que le jour de jeûne tombe le vendredi, donc. Une semaine sur deux. Celui qui fait le jeûne de Daoud, une semaine sur deux, il va jeûner le vendredi tout seul. Parce que les jours sont impairs. Donc il y a un décalage, obligatoirement. Et les savants disent que c'est autorisé. Cheikh Ibn Uthaymeen dit pour celui qui a l'habitude de jeûner, que cela est autorisé. Pourquoi? Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'auteur n'a pas cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tahtassu yawm al-jum'ati bi siyam bayn al-ayyam wala tahtassu. Le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ne spécifiez pas le jour du vendredi comme étant un jour de jeûne parmi les autres jours de la semaine, et ne spécifiez pas la nuit du vendredi comme une nuit de prière parmi les nuits de la semaine. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadikum, sauf si c'est un jeûne que vous avez l'habitude de faire. Et le hadith est authentique, il est rapporté par un muslim. D'accord. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner le vendredi et de le spécifier, de spécifier ce jour du vendredi comme étant un jour de jeûne, d'accord, ni la nuit du vendredi. La nuit du vendredi qui est quand? À partir de jeudi soir. C'est le jeudi à partir de du maghrib. Donc le jeudi à partir du maghrib, c'est considéré comme étant la nuit du vendredi, car la nuit précède toujours le jour. D'accord. Et certains font cela, qu'Allah les guide. Ils sont connus pour faire al-qiyam, pour faire de prier, de veiller cette nuit du vendredi. Qui sont connus pour faire cette innovation? Hein? Non. C'est qui? C'est Jama'at al-Tablir. Jama'at al-Tablir font justement ça. Ils prient la nuit du vendredi. Donc, dans ce hadith, il y a la réponse à ta question. Le prophète s.a.w. dit « Illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadikum » sauf lorsque c'est un jeûne que l'un d'entre vous a l'habitude de jeûner. « Rabi'an yawmu sabti munfarida » quatrièmement, de jeûner le samedi seul. « An abi hurayra, an abdillah ibn Busr, as-sulami, an ukhtihi, as-samma » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليضمره. حديث صحيح. Quatrièmement, l'auteur dit qu'il est interdit de jeûner le samedi seul. Qu'il est interdit de jeûner le samedi seul. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Busr al-Sulami, selon sa sœur As-Samma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne jeûnez le jour du samedi que lorsque c'est un jour obligatoire. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inaba. » Et si l'un d'entre vous ne trouve que la peau d'un raisin ou un bout de bois, qu'il le mange. Autrement dit, si l'un d'entre vous ne trouve pour rompre son jeûne que la peau du raisin ou un bout de bois, qu'il le mange, et en est pour rompre son jeûne. Et les savants, comment est-ce qu'ils ont déduit que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul? Car là, dans ce hadith, on voit pas dans ce hadith où est la preuve que ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez pas le samedi, sauf lorsque c'est un jour obligatoire. Un jour obligatoire, ça peut être un jour du ramadan, ou... Shawwal, c'est pas un jour obligatoire. Al-Kafara, un jeûne d'expiation, ou un vœu. D'accord? Ou un jeûne d'expiation, ou un vœu. Donc ce sont des jeûnes obligatoires. Dans tous les cas, ceux-là, tu as le droit de les jeûner le samedi. Quant au jeûne surérogatoire, l'auteur dit qu'il est interdit de le jeûner lorsque tu le jeûnes seul. La preuve, c'est le hadith de Juwayriya qui a jeûné le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: as-tu jeûné hier? Elle a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu l'intention de jeûner demain? Elle a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: even aftari. Le professeur Hassan lui a dit: alors romps ton jeûne. Et dans ce hadith, le professeur Hassan lui a demandé est-ce qu'elle avait jeûné la veille, c'est-à-dire le jeudi, et lui a demandé est-ce qu'elle allait jeûner le lendemain, qui est le samedi. Autrement dit, le professeur Hassan lui a autorisé de jeûner le samedi, car elle avait jeûné le vendredi. D'accord ? Et l'autre preuve aussi, c'est le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu juste avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne jeûnez le vendredi que si vous le précédez d'un jour ou que vous le suiviez d'un jour. Donc les savants ont déduit qu'il est autorisé de jeûner le samedi à condition de ne pas le jeûner seul, en rassemblant les deux hadiths. Et d'autres savants ont dit non. Le premier hadith, il ne faut prendre en compte que le deuxième hadith. Comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le samedi, sauf lorsque c'est un jour obligatoire. Que tu le précèdes ou pas, tu ne dois pas le jeûner le samedi, sauf si c'est un jour obligatoire. Car la seule cause, ou la seule exception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée dans le hadith, c'est que ce soit un jeûne obligatoire. Vous me suivez ou pas? D'accord. Et les autres savants ont répondu, ont dit non. On dit qu'il est autorisé de jeûner le samedi en considérant que ce hadith est faible. Car il y a une divergence des savants sur l'authenticité du hadith Abdullah ibn Busr. Il y a une divergence des savants à ce sujet. Beaucoup le rendent faible. Comme Cheikh Ibn Uthaymin le rend faible, Cheikh Al-Fawzan le rend faible, Cheikh Ibn Baz également le rend faible, et Cheikh Al-Albani rahimallah lui le considère comme étant authentique. D'accord ? Donc ceux qui considèrent que ce hadith est authentique, Cheikh Al-Albani considère qu'il est authentique, mais il considère aussi que tu ne dois jeûner le samedi que lorsque c'est un jeûne obligatoire. Et que si par exemple le jour de Arafah tombe un samedi, tu ne dois pas jeûner ce jour-là. Même si c'est le jour de Arafah. Et il a été questionné: mais oh cher, mais c'est un grand bien que l'on rate. Et en ce jour de Arafah, le professeur Hassan a dit que c'est pardonne les péchés d'une année avant et les péchés d'une année qui suit. Et cher, il a dit: penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va blâmer une personne qui délaisse un jeûne pour lui? Cheikh Al-Albani lui considère qu'il ne faut pas le jeûner, mais il dit: moi si je délaisse ce jeûne, c'est pour Allah que je le fais. C'est parce que je considère ce hadith comme étant authentique et que je le mets en pratique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par une meilleure. Et il dit même, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit même que celui qui le délaisse pour Allah a plus de récompenses que celui qui jeûne. Celui qui le délaisse en étant convaincu de cet avis, qu'il sera plus récompensé que celui qui le jeûne. Parce que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui en remplace par une meilleure. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et l'avis de la plupart des autres savants, c'est qu'il est autorisé de jeûner. Certains disent qu'il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non, comme Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit: il est autorisé de jeûner le samedi, qu'il soit seul ou non, car le hadith est faible. Et à partir du moment où le hadith est faible, qu'il n'y a pas de preuve qui viendrait interdire de jeûner ce jour-là. D'accord ? Et ceux qui disent, et c'est l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est qu'il est interdit de jeûner le samedi seul, car il y a un hadith sur cela, un hadith rapporté par Ahmed, où le prophète sallam a vu un compagnon jeûner le samedi. Il lui a dit: Asumta al-bariha, asumta ams? Le professeur Hassan lui a demandé: as-tu jeûné la veille? Il a dit non. Il lui a dit: siyamu sabt la laka wa la alayk. Elle dit, dans ce cas, le jeûne du samedi n'est ni un bien ni un mal. Autrement dit, il n'est pas accepté. D'accord ? Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ce compagnon, as-tu jeûné la veille ? Si le compagnon avait répondu oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait-il dit le jeûne du samedi, ce n'est ni un bien ni un mal pour toi ? Non. Une fois que ce compagnon a répondu de façon négative, autrement dit qu'il jeûne le samedi seul, dans ce cas le professeur Hassam a considéré son jeûne comme n'étant pas accepté. Donc les savants l'ont déduit que ce qui est interdit dans le jeûne du samedi, c'est de le jeûner seul et de ne pas le précéder par un jour. Et ils utilisent aussi un hadith du professeur Hassam authentique que une des femmes du professeur Hassam a été questionnée et a dit que les jours que jeûnait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient le samedi et le dimanche. Un compagnon lui a demandé, elle lui a répondu. Il est parti le dire à d'autres compagnons qui ne l'ont pas cru. Elle dit non, ce n'est pas possible. L'homme est retourné, le compagnon est retourné chez cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, je te dis la même réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours qu'il jeûnait le plus, c'était le samedi et le dimanche. Et ce compagnon est retourné, et cette fois-ci, ce sont les autres qui sont venus. Les autres compagnons du prophète Hassan qui sont venus demander directement à la femme du prophète Hassan. Elle leur a dit, le prophète Hassan, les jours qu'il jeûnait le plus, c'était le samedi et le dimanche. Et ils ont dit, mais c'est les jours de fête des juifs et des chrétiens. Elle a répondu, le prophète Hassan le faisait justement pour ne pas leur ressembler. Et il disait, ce sont des jours de fête pour les juifs et les chrétiens, ne faites pas comme eux. Et le prophète sallam les jeûnait pour les contredire dans cela et pour ne pas leur ressembler. Wallahu a'lam. C'est clair ou pas? Tayyib. Khamisan an-nisfu ath-thani min Sha'ban liman lam takun lahu 'ada. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم حديث متفق عليه. Donc cinquièmement, qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié du mois de Sha'ban pour celui qui n'en avait pas l'habitude. La preuve, c'est le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la moitié de Sha'ban arrive, alors ne jeûnez pas. Lorsque la deuxième moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. Fala tasoum. Et sur ce hadith également, il y a une divergence sur son authenticité. Certains le rendent authentique, d'autres ne le considèrent pas authentique. Ceux qui le considèrent authentique disent que, alhamdoulilah, qu'il est interdit de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban, qu'il est autorisé de jeûner la première, mais qu'il n'est pas autorisé de jeûner la seconde moitié, sauf pour celui qui en avait l'habitude. Et la preuve de cela, c'est l'autre hadith de Abu Huraira également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne précédez pas le ramadan d'un jour ou de deux, c'est-à-dire ne le précédez pas en jeûnant un jour ou deux avant, illa an yakuna rajul, sauf si un homme avait l'habitude de jeûner, alors dans ce cas qu'il jeûne. Autrement dit, si la veille ou deux jours avant le ramadan, c'est un jeudi, et que toi tu as l'habitude de jeûner un jeudi, alors jeûne. Si tu as l'habitude de faire le saum de Daoud alayhi salam, de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain, et que la veille tombe dans un de ces jours que tu jeûnes, alors jeûne. Et les autres savants, comme Cheikh Ibn Taymin, c'est le seul à ma connaissance qui ne considère pas ce hadith faible, et il est parmi les savants contemporains que l'on connaît. Il dit que ce hadith est faible d'une, et que ce qui nous prouve également qu'il est faible, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mois qu'il jeûnait le plus, c'est le mois de de Sha'ban, comme le dit Aïcha de Rouhanha, et le jeûne que jeûnait le plus, akthara ma yasumuhu min ash-shuhur, shahru Sha'ban. Et Cheikh Ibn Taymiyyah dit, et le fait de jeûner, quand on dit sam akthara shahr, qu'il a jeûné la plupart du mois, c'est-à-dire qu'il a jeûné au moins plus de la moitié. Et quand il dit que c'est une preuve que ce hadith est faible. Mais l'avis le plus sûr, Allah a'lam, comme c'est l'avis de la plupart des savants, comme Cheikh Albani, comme Cheikh Al-Fawzan, comme Cheikh Ibn Baz, qui considèrent ce hadith comme étant authentique, et par la même occasion, ils disent que de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban est interdit, sauf pour celui qui en a l'habitude. Sadisan yawm ash-shak. Sixièmement, de jeûner le jour du doute. An Ammar ibn Yasir qala man sama al-yawm alladhi shakka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Hadith sahih rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud. Le jour du doute, selon Ammar ibn Yasir, il dit, celui qui jeûne le jour du doute, le jour dans lequel il doute, il a alors désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du doute, quel est le jour du doute? Est-ce que le 29e jour d'un mois peut être un jour de doute? Non. Est-ce qu'un jour, le 29e jour est un jour de doute? Non. Car un mois, il est au minimum de 29 jours et au maximum de 30. Donc, le 29e jour, ça ne peut pas être un jour de doute. Le 31e jour, il ne peut pas être un jour de doute, car un mois ne dépasse pas 30 jours. Donc, s'il y a un jour de doute, ça ne peut être que le 30e. Et ça, c'est sûr que le ulama. Ça, les savants sont d'accord sur cela, que le seul jour qui peut être un jour de doute, c'est le 30e jour du mois. Et les savants disent, le jour du doute, c'est lorsque le ciel est couvert. Yani, la nuit du 29, lorsque le ciel est couvert et que tu n'as pas vu la lune. Est-ce que c'est un doute ou pas? Non, c'est toujours dans le monde. Non? Yani, tu n'as pas vu la lune. Mais il y a eu des nuages. Car le seul moment où il y a un doute, c'est lorsque le ciel est couvert. Si le ciel est découvert la nuit du 29e jour, est-ce que, en ne voyant pas la lune, est-ce qu'il y a un doute ou pas? Hein? Il n'y a pas de doute. Donc il y a un doute la nuit du 29e jour et lorsqu'il y a le soleil couvert, lorsque le ciel est couvert. Hein? Non, la nuit du 29e jour. On a dit que c'était la nuit qui précédait le jour. Non, la nuit du 30e, la nuit du 30e jour, Afwan. Car la nuit précède toujours le jour. Donc la nuit du 30e jour, tu vas savoir si le 30e jour, c'est le 30e jour de Sha'ban ou bien le premier jour de Ramadan. D'accord? Donc la nuit du 30e jour, le 30e jour sera un jour du doute si le ciel est couvert. Car si le ciel est couvert, tu ne vois pas la lune. Mais peut-être qu'elle est apparue. D'accord? Donc le doute s'installe. Et lorsque le doute s'installe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le jour du doute. Donc, le lendemain, tu ne dois pas jeûner, tu dois considérer ce jour comme étant le 30e de Sha'ban. Vous suivez ou pas? Taïb. Et donc, Ammar ibn Yasir a dit, celui qui jeûne le jour du doute, il a alors désobéi à Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Et Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya était Al-Qasim, Abul Qasim? Non? Il y a son fils qui s'appelle Qasim. Il y a son fils. Allah alam. Les savants disent, soit parce qu'il y avait un fils qui était appelé Al-Qasim, mais ça il faut que je fasse une recherche dessus. Ou soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, il y a Al-Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, An Al-Qasim Wallahu Mu'atin. Ana Qasim Wallahu Mu'atin. Je suis celui qui tranche, et ni celui qui partage, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne. Et il est autorisé de prendre une kunya sur quelque chose ce n'est pas forcément le nom de ton enfant. Par exemple, Abu Huraira. Qu'est-ce que ça veut dire, Abu Huraira? Si on traduit littéralement, c'est le père du chat. Pourquoi est-ce qu'il est appelé ainsi? Parce qu'il avait toujours un chat avec lui. D'accord? Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quelle était sa kunya? La kunya de Ali ibn Abi Talib, non? Non? Non, ça c'est son nom. La kunya de Ali ibn Abi Talib, c'était Abu Turab. Abu Turab, le père de la poussière. Pourquoi est-ce qu'il était appelé ainsi? Parce que il avait eu une dispute avec Fatima radiallahu anha et est sorti de chez lui et s'est rendu à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a suivi et il s'est allongé contre le mur de la mosquée et son dos était plein de poussière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché de lui et a enlevé la poussière de son dos et lui a dit Qum Abat Turab, yani ijlis Abat Turab. Il était allongé le dos contre le mur de la mosquée, yani le mur à l'époque c'était de la terre, yani c'était, donc son dos était plein de poussière. Le professeur Hassan a enlevé la poussière de son dos et lui a dit assis-toi au père de la poussière, ijlis Abu Turab. Et Ali radiallahu anhu, il aimait qu'on l'appelait Abu Turab. Pourquoi? Car le professeur Hassan l'appelait ainsi. D'accord? Donc yani une kunya, ce n'est pas forcément le nom de ton enfant, ça peut être une chose ou un fait qui te soit arrivé. Et la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que lui qui peut la porter. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tasammaw bismi, wala takannaw bikunyati. » Appelez-vous par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Appelez-vous par mon nom, mais ne prenez pas ma kunya. Sabi'an, sawmu d-dahri. وَإِنْ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِي عَنْهَا. Donc septièmement, qu'il est interdit de jeûner toute l'année, même s'il ne jeûne pas les jours où il est interdit de jeûner. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت لا صام من صام الأبد. حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, qu'Allah les agréé qui? Abdullah ibn Amr, afwan. Donc qu'Allah agréé qui? Quand on dit radiallahu anhuma, Abdullah et son père Amr ibn al-As. Et donc Abdullah ibn Amr a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô Abdullah ibn Amr, tu jeûnes toute l'année et tu pries toute la nuit. Wa innaka idha fa'alta dhalika hajamat lahu al-'ayn wa nahakat. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et en faisant cela, tu portes atteinte à tes yeux et tu t'affaiblis. La sama man sama al-abad. » Point de jeûne pour celui qui jeûne toute l'année. Pour celui qui jeûne continuellement. Point de jeûne pour celui qui jeûne continuellement. Autrement dit, celui qui croit qu'en jeûnant tous les jours, toute l'année, a fait un bien et qu'il a atteint un degré de piété au-dessus de tout le monde, qu'il sache que son jeûne n'est pas accepté. Qu'il sache qu'il n'y a point de jeûne pour lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui ce jeûne, car cet acte-là est amputé d'une des conditions pour qu'un acte pur soit accepté, qui est que cet acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si cette personne a une bonne intention et veut se rapprocher d'Allah en jeûnant tous les jours, etc., etc., on lui dit que ça ne sert à rien de faire cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La afdala min sawmi Daoud » qu'il n'y a pas mieux que le jeûne de Daoud, qui est de jeûner un jour et de ne pas jeûner le lendemain. وعن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر حديث صحيح رواه مسلم وابو داود Selon Abu Qatada, qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô envoyé d'Allah, comment jeûnes-tu ? Comment procèdes-tu dans ton jeûne ? Ou comment, de quelle façon jeûnes-tu » فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé de sa parole. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé ? Les savants ont dit « Car l'homme a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire de quelle façon il adorait Allah subhanahu wa ta'ala car cela est personnel et ne regarde que lui. Certains savants ont dit cela. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Car s'il répondait à la question de cet homme risquerait de prendre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une obligation pour lui. Et essaierait de mettre en pratique cela sans ne pouvoir le faire. Et risquerait ainsi de dévier de la religion et de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc il y a deux explications. La première, soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas dire comment est-ce qu'il adorait, car il voulait le garder pour lui. Ou soit parce que de peur que cet homme n'essaie d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de jeûner sans pouvoir le faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu dans le cours précédent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dort alors qu'il est nourri et qu'on lui donne à boire. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon cas n'est pas comme le vôtre. Lestu kahayatikum, je ne suis pas comme vous. Ne vous comparez pas à moi, c'est-à-dire en matière de jeûne. » Et Omar radiallahu anhu a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam énervé et a dit radina billahi rabba, nous approuvons Allah comme Seigneur wa bil islam dina et l'islam comme religion wa bi Muhammadin nabiyya et Muhammad comme envoyé na'udhu billahi min ghadabillah nous demandons la protection d'Allah contre le courroux et la colère d'Allah wa min ghadab rasoulih et nous demandons également la protection d'Allah contre la colère de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا Et Omar radiallahu anhu ne cessait de répéter ces phrases jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit calmé et que sa colère se soit apaisée. Et Omar radiallahu anhu a alors demandé « Ô envoyé d'Allah, qu'en est-il de celui qui jeûne toute l'année ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sama wa la aftar » Celui qui jeûne toute l'année, il n'a ni jeûné ni mangé. Il n'a ni jeûné ni mangé. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et ثم قال المؤلف النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. Donc l'auteur dit qu'il est interdit à la femme de jeûner en présence de son mari sans son autorisation. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. حديث متفق عليه. Donc, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme ne jeûne pas alors que son mari est présent, sauf sans son autorisation. Que la femme ne jeûne en présence de son mari ou lorsque son mari est présent, ne jeûne pas sans son autorisation. Et les savants disent, certains savants disent que cela est propre au jeûne surérogatoire, mais l'avis le plus sûr, c'est que cela est à la fois valable pour le jeûne obligatoire comme pour le jeûne surérogatoire, sauf dans un cas si la femme a des jours de Ramadan à rattraper et qu'il ne lui reste des jours de Sha'ban de l'année suivante que le nombre exact de jours du Ramadan qu'elle doit rattraper. Dans ce cas, les savants disent qu'elle peut jeûner même sans l'autorisation de son mari, mais le mieux et dans tous les cas de demander l'autorisation de son mari. Wallahu a'lam wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.